émission punk rock de la planète. Prends ça dans ta face. La scène va être tranquille. Ce soir, on est encore ensemble pour passer une plombe avec du punk rock et du ska dans vos oreilles, les amis. Alors ce soir, tenez-vous bien, on aura en découverte un tout premier titre du tout nouvel album des Salles Majesté, également un titre des 8-6 Crew. Ça fait quelques années que ça tourne, c'est du ska bien Frenchy, comme on aime bien. Nouveau single qui vient de sortir il y a quelques semaines. Et puis également aussi le tout nouvel EP des Lions Law en écoute. Dans Larsen, bref, j'en passais des meilleurs, histoire de vous réchauffer un petit peu les gambettes, les amis. On va commencer direct avec un groupe anglais, un bon vieux Quatuor, qui tourne depuis 79. Il s'agit de JBH. C'est en honneur un petit peu de leur tournée des 40 piges d'existence. On s'envoie un extrait du dernier album en date. JBH, c'est pour vous avec le titre Enemies. Soon. l'instant, Larsen, le titre Enemies est extrait donc du dernier album en date, Momentum, 12 titres sortis fin 2017 sur le label A4 Records. C'était pour souligner un petit peu la tournée qui continue des 40 piges. Pour eux, respect les amis, pour ces Anglais bien connus et bien célèbres depuis pas mal d'années. Maintenant, on revient en France, les amis, avec un groupe originaire de Metz qu'on aime bien. En ce moment, leur nouvel album tourne en boucle sur notre platine. Il s'agit des 1984. Bon quatuor de street punk avec des bonnes influences anglaises comme les Clash et les Business. L'actu pour eux, c'est la tournée qui s'annonce avec pas mal de dates dans les prochaines semaines et la sortie prochaine d'un split EP qui vient d'être annoncé avec un groupe anglais Red Alert qu'on aura l'occasion de vous mettre en diff parce que ça aussi, c'est un vieux groupe anglais Red Alert. Pour l'heure, 1984, c'est pour vous les amis avec un petit extrait de leur deuxième album avec le morceau Fight for Your Rights. Where is protest? People seem so quiet. Sounds like nobody wants to fight. And everybody walk us down. Get up and fight for your rights. Get up and fight for your rights. Get up and fight for your rights. For your rights. Where we protest, people seem to cry. Sounds like nobody wanna fight. And everybody walk us down. Les 1984 dans Larsen avec le titre Fight for Your Rights et c'est sur leur dernier album, leur deuxième album plus exactement, il s'appelle Never Forget, 8 titres et c'est dispo chez nos amis de Combat Rock et également chez Dirty Punk. Allez, on reste dans l'est de la France, on prend la direction de Strasbourg les amis avec un groupe qu'on aime bien et qu'on a diffusé régulièrement dans Larsen. Il s'agit du bon groupe de street punk Torquemada et ça tourne depuis déjà pas mal d'années les amis. L'actu, c'est la sortie récente d'un clip extrait d'un EP 6 titres qui s'appelle Génération Guerre Sainte. C'est sorti en fin 2018. Torquemada, nouvel extrait dans la playlist de Larsen avec le titre Conversion. Vous entretuez au bénéfice de la vie. Écoutez-moi bien tous, c'est très sérieux. Il va falloir se battre. C'est la guerre à mort. Eux l'ont déclenchée. Mais nous, je vous jure que nous la finirons. Même si pour ça on doit faire des heures supplémentaires, autant qu'il en faudra, même le dimanche, éventuellement. Et rappelez-vous mes paroles, on va tous à la chasse au punk. Et ça dès cette seconde. Allez, on y va! Contrôle dans Larsen avec le titre Fin de journée qui est présent bien évidemment sur leur dernier album en date. Il s'appelle Les couleurs dans le temps. Très bon 17 titres est toujours dispo les amis. Et également la cul pour eux, c'est la tournée qui est toujours en cours. Allez faire un saut sur le Facebook de Larsen. Allez, on continue direction Paris. Je vous en ai parlé en tout début d'émission. C'est une des good news de ces dernières semaines. La sortie du tout nouvel EP 2 titres. Des Lions Law, l'actu, bah, évidemment, c'est aussi le clip qui tourne sur la toile avec le morceau Get It All, et puis l'annonce, bien évidemment, de la sortie du tout nouvel album au printemps prochain, bien évidemment, dans Larsen, on sera là pour guetter ça de près. Pour l'heure, on s'envoie donc un nouveau titre de ce tout nouvel EP. Le EP s'appelle Cut the Rope, et le morceau dans vos oreilles, Get It All. Do as you please. No one's out of the wreck. No one's out. Dans l'arsène avec le titre Get It On, les amis, cet extrait de Cut the Rope, leur tout nouvel EP, deux titres, ça vient de sortir et c'est dispo chez nos amis du label nantais Une Vie pour Rien, dispo bien évidemment en vinyle. Allez, on continue avec un bon groupe de hoy parisien, on vous l'a fait découvrir il y a quelques semaines en arrière. Le groupe s'appelle Tchernobyl et ils ont eu la bonne idée, ces gens-là, de mettre un titre inédit sur la très bonne compile Hoy, l'album volume 2 de d'Une Vie pour Rien, bien évidemment. Le label, la transition était belle. Tchernobyl, c'est pour vous les amis, nouvel extrait donc avec ce titre inédit, avec le morceau « Paris brûle-t-il ». Le groupe de hoy parisien Tchernobyl dans l'arsène avec à la batterie un membre de Outro, un groupe qu'on a diffusé il y a quelques temps déjà en arrière dans l'arsène. C'est son nouveau groupe Tchernobyl, donc avec le morceau Paris brûle-t-il. Ils sont présents avec ce titre sur la bonne compile hoy, l'album volume 2 du label Une Vie pour Rien. Allez les amis, puisqu'on parle de Nantes, eh bien on y reste avec un groupe composé All Star Band. Nantais formé en 2017, il s'agit des Teenage Hearts et eux, ils sont composés de membres des Janitors, des Daltons, entre autres. un bon punk fortement influencé des 77 avec une petite touche de Oi comme on aime bien dans Larsen Teenagers. Pour eux, l'actu, c'est la sortie donc ce mois-ci du premier EP, 3 titres. On s'en met direct un nouvel extrait dans vos oreilles, les amis, Teenagers avec le morceau Stupid Life. Imaginez un monde où les gens seraient capables, dans une même vie, de changer plusieurs fois d'emploi. Imaginez un monde sans chômeurs. Enfin, presque. J'irai ouvrir quand les poules auront des dents. De toute façon, le facteur sonne toujours deux fois. La première, il vient me livrer des vinyles collector de punk que pas mal de bipèdes décérébrés ne savent plus apprécier. La seconde fois, tous les coups sont permis. Chef d'entreprise aux abois. Pas la peine de composer SOS et Mini. Franchement, tant qu'être payé à ne rien foutre ou t'en rester à mon compte, ça me laisse plus de temps pour ma musique. Je n'attends plus rien, non. PKRK dans Larsen avec le titre Je n'attends plus rien. Et c'est l'actu récente pour eux, c'est l'album. L'album live qui s'appelle Avif, très bon 15 titres, qui est sorti en CD et également en distro chez nos amis de Combat Rock. Nouvel extrait dans vos oreilles, PKRK, Je n'attends plus rien. Je vous l'avais annoncé en tout début d'émission, les amis. C'est la grosse news de la soirée. C'est le tout nouvel album des Salles Majestés. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait, celui-ci. Ils fêtent cette année donc leur 30 piges. Et le nouvel album vient de sortir. Il s'appelle Overdose. Très bon, 11 titres. On s'envoie direct un premier extrait dans la playlist de ce soir, les amis, les Salles Majestés. Attention, spéciale dédicace pour notre cher ministre Castaner. Majesté dans Larsen, extrait d'Overdose, leur tout nouvel album, les amis, c'est dispo en CD. Et puis attention, ils sont à bloc de date, les amis, sur toute cette prochaine fin d'année qui se profile, à n'en pas douter, même ça se prolongera sur les mois de l'année prochaine. Les Salles Majestés avec le premier titre Castaner, rassurez-vous, on aura l'occasion de vous en remettre régulièrement dans les prochaines playlists de Larsen. Allez, on prend la route direction Bordeaux avec un beau groupe de street punk formé en 2016 sur les cendres d'un groupe appelé Damaskins. Il s'agit des Capo Blood et eux, l'actu, c'est la sortie du premier album. 10 titres, il s'appelle On sera là. Et on s'envoie tout de suite un premier morceau des Capo Blood dans la playlist de ce soir avec le titre Sans espoir. Avec le titre Sans Espoir. Donc je vous rappelle, pour les Capoblood, c'est la sortie du tout premier album. Il s'appelle On sera là, 10 titres, et c'est dispo directement à partir de leur page Bandcamp. On aura l'occasion de se remettre d'autres titres de ce tout premier album des Capoblood. Allez, le groupe qui suit, les amis, c'est des vieux de la vieille. Ils ont tourné de 84 à 89. C'est le groupe qui a marqué des générations. Malgré un ultime concert donné en 89, ils ont décidé de remettre le couvert pour quelques dates. 30 piges après, les amis, il s'agit des Tulavioc, comme le nom l'indique. Et eux, ils sont un petit peu spécialisés dans, du groupe, de la musique un peu punk, avec ce qu'ils appellent, eux, appelés de la zob music et des chansons paillardes. Allez, les amis, on en reparle tout de suite après. Tulavioc, c'est pour vous, avec le titre Les filles de Camaré. Dans le type du monde, Vous savez que la jeunesse aime le rock'n'roll. Alors après Loulou le Grand, je vais vous faire entendre un rock'n'roll. Bon, enfin, ce que vous avez déjà entendu, cette musique de sauvage, hystérique. Mais Maurice, le rock'n'roll n'a jamais prétendu être autre chose qu'un amusement, un simple divertissement sans prétention. Vous parlez d'un divertissement. Tenez, je vais vous montrer comment on fabrique un rock'n'roll. Écoutez-moi ça, c'est pas méchant pour un sou. Psychopunk bien énervé des Bulgarian Yogurt avec le titre Cannibal Dreams. C'est donc cet extrait de leur tout nouvel EP 4 titres qui est sorti il y a peu, les amis. C'est dispo en vinyle, il s'appelle Old Stuff and More et c'est dispo directement également à partir de leur page Big Cartel Bulgarian Yogurt, les amis. On aura l'occasion de s'en remettre d'autres titres de ce tout nouvel EP. Je vous l'avais annoncé en tout début d'émission, les amis, on va partir sur le volet un peu ska de la soirée avec des Parisiens formés en 95. Il s'agit des 8-6 Crew. L'actu, c'est la sortie du tout nouvel EP. Il s'appelle Green and White Ska. C'est dispo en 45 tours vinyle sur le label Une Vie pour Rien. Premier extrait, première div dans Larsen 8-6 Crew. C'est pour vous avec le titre Green and White Ska. Green and White. Thank you. le très bon groupe des 8-6 Crew dans Larsen, le ska comme on aime bien dans Larsen également. Donc extrait du tout nouvel EP, ça vient de sortir les amis il y a quelques semaines. Il s'appelle Green and White Ska et c'était un premier extrait dans la playlist de ce soir. On reste dans le ska mais plutôt le ska punk des américains, des Interrupters avec le titre qu'ils ont balancé sur la toile, ce qui est une reprise de Billie Eilish. Interrupters, c'est pour vous avec le morceau Bad Guy. Interrupters dans Larsen avec le morceau Bad Guy, la reprise de Billie Eilish avec le clip qui tourne sur la toile déjà depuis quelques semaines et qu'on aime bien et dont on ne se lasse pas. Allez les amis, on va continuer avec un groupe anglais, on va prendre un peu de muscle. Ils sont basés à Londres, c'est une première div dans Larsen. C'est un bon quatuor punk rock formé en 2008, il s'agit des Blatoid Heidi. Ils ont fait la première partoche et la tournée en Espagne des Bananes Métalliques les amis. Alors attention, ça cause des bonnes influences comme les GBH et Discharge. L'actu, c'est que ils ont partagé donc ces fameuses dates avec les Bananes Métalliques. Ça devait envoyer du lourd et du gros bien évidemment. Donc c'est une première diff dans Larsen, on va direct se mettre un titre et on en parle tout de suite après. Blatoid Heidi avec le titre Executed. Just for the fate of forgotten, every week we do to fall under another. incontournables du rock sont dans l'arsène. Mais on est au bout pour ce soir, rassurez-vous, on sera présent et fidèle au poste comme déjà depuis pas mal d'années. Dès la semaine prochaine, à savoir que ce soir dans les Good News, on avait en playlist un titre du tout nouvel album des Sales Majestés. L'album s'appelle Overdose, c'est du bon, il y a du lourd dessus. Également un titre du tout nouvel EP des Bulgarian Yogurts, ça c'est du bon psychopunk comme on aime bien. Le tout nouveau single EP, deux titres des Lion Slow dans l'arsène, et puis j'en passe, et des meilleurs, et aussi, ah oui, j'ai oublié, un titre du tout nouvel EP des 86 Crew, ça c'est du ska, et c'est du très bon ska, comme on aime bien diffuser dans l'arsène. Voilà, sur ce, on va tirer notre révérence, portez-vous bien les amis, soyez fidèles au poste comme chaque semaine, on vous kiffe, on vous aime, et on se retrouve la semaine prochaine, ciao.